Bonsoir. Il s'en passe bien des choses en l'espace de quelques semaines, non pas cette fois-ci sur le plan cosmique ou à l'échelle cosmique, mais sur le plan personnel. J'ai vécu toutes sortes de choses incroyables ces derniers temps. Une bonne nouvelle pour vous, j'ai rencontré mon double, le double éthérique. Je vous compte un peu comment ça s'est passé. C'était au zoo de Granby. Devant la cage aux singes. Et j'aurais pu passer à côté si mon ami ne m'avait pas fait remarquer justement la ressemblance. C'était mon double. Et j'ai été sur le moment très interdit, stupéfait de voir la ressemblance. C'était un singe nazi avec un grand nez comme ça. On s'est fixé très longuement. Et je vous raconterai pas la suite. Mais j'ai rencontré aussi d'autres événements importants. Cette semaine, j'ai rencontré un maître, un vrai. Et on a pu échanger justement sur la vie des couples. Et ça fera l'objet de la deuxième partie. C'est assez rare qu'on rencontre dans sa vie un vrai maître d'hôtel authentique. Quant à l'ajusteur de pensée, si vous vous demandez si j'ai fusionné avec lui, ça fait longtemps que j'ai mon ajusteuse de pensée à mes côtés. En l'occurrence, ma belle-mère. On fusionne à peu près à toutes les fois où on se voit. Les manières de comprendre l'existence, la destinée, le temps, l'espace sont relativement limitées par nos intellects partiels, évoluants, incomplets, incapables de formuler la réalité de façon définitive. Les cadres conceptuels sont d'utiles échafaudages qui doivent finalement céder la place devant l'expansion des concepts. Nous savons en réalité très peu de choses sur les ajusteurs de pensée. C'est pourquoi je vous propose ce soir d'élargir ce concept cosmique de première importance avec la compagnie de Bernard de Montréal. Happy birthday. Les anciens Égyptiens croyaient que chaque individu se voyait attribuer, peu après sa naissance, un esprit protecteur. Ils l'appelaient le Ra, s'écrit Ka, comme dans Khadafi. Ils croyaient que c'était un génie spirituel supérieur qui désirait guider dans les meilleures voies de la vie temporelle l'âme humaine. L'âme humaine qui était associée à cet esprit et surtout influencer la prospérité du sujet dans l'au-delà, dans ses futures étapes vers son ascension, vers les paradis des dieux du Nil. Beaucoup de religions orientales et occidentales ont perçu que l'homme est divin par son héritage et en même temps humain par son hérédité. Les Chinois reconnaissent deux aspects d'un être humain, le yang et le yin, soit l'âme et l'esprit. Dans leur conception de l'atman, les instructeurs hindous arrivèrent à une estimation approximative de l'ajusteur de pensée. Le Rig Veda dit d'ailleurs « Ma pensée parle à mon cœur ». La Bible dit « L'esprit de l'homme est dans la lampe du Seigneur ». Est-il préférable pour nous, Bernard de Montréal, d'envisager les ajusteurs de pensée comme habitant la pensée des hommes plutôt que confiné dans un organisme physique déterminé, en l'occurrence le cerveau ou le cœur. Pour avoir une conception, disons, réelle de toutes ces conceptions, dont l'ajusteur de pensée, qui est une conception plutôt moderne, il faudra. Pas il faut, parce que ceci ne fait pas partie encore de l'évolution. Mais il faudra que l'homme du temps présent, l'homme des générations à venir, soit informé de la nature de l'intelligence.